Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est dans la Grèce antique que nous emmène cet après-midi Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'Athènes que je vous propose de découvrir, c'est l'Athènes triomphante du grand Périclès. Une république aux abois, cernée, menacée par la puissance macédonienne et par son chef, le génial Alexandre. Notre héros du jour est un orateur ou si vous préférez, un homme politique assez largement oublié. C'est Démosthène, l'homme qui parlait avec des cailloux dans la bouche. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Athènes en 323 avant notre ère. Ce n'est plus exactement la puissante cité qui dominait le monde grec un siècle plus tôt sous le grand Périclès. Il est vrai que son rayonnement, sa culture, le symbole qu'elle représente en termes de démocratie comme de liberté, tout ça ne s'est pas atténué, mais l'âge d'or de la cité grecque est derrière elle. Athènes est en proie maintenant à un danger de taille, puisque le royaume de Macédoine, royaume sur lequel règne Philippe II de Macédoine, ce royaume a des volontés hégémoniques grandissantes et, disons-le, très menaçantes. Au cœur d'Athènes, un homme est là qui défend ardemment la cité face à la menace macédonienne. C'est un défenseur intransigeant de la démocratie. C'est ce qu'on pourrait nous appeler un nationaliste, si vous voulez. Il est avant tout connu comme étant l'un des grands orateurs athéniens. Il s'appelle Démosthène. Face à l'espèce de défaitisme qui s'est emparé de ses concitoyens, le grand rhéteur tente de leur prouver que la situation n'est mauvaise qu'en raison de l'inactivité des Athéniens et qu'un sursaut d'énergie pourrait encore renverser les choses. Son idée est celle-là et il a bien l'intention de persuader les Athéniens de résister face aux assauts des Macédoniens. Il engage contre le roi de Macédoine, contre Philippe II, une violente lutte rhétorique à travers des discours qui vont rester célèbres. Les discours en question, ce sont les philippiques, chef-d'œuvre de l'art oratoire, qui désigne Philippe comme l'ennemi juré, l'ennemi atavique d'Athènes. Des discours qui dénoncent l'aveuglement et l'esprit de démission des Athéniens. Mais secouez-vous, que diable ! Seulement voilà. En 336, avant notre ère, donc bien sûr, je vais pas le dire à chaque fois, en 336 vient à mourir Philippe et Philippe II laisse sa place sur le puissant trône de Macédoine à son fils. Son fils, c'est Alexandre, bien sûr, celui qu'un jour on appellera Alexandre le Grand et qui devient nécessairement un ennemi héréditaire pour Démosthène. On peut dire que le nouveau roi de Macédoine, qui laisse le gouvernement à son général Antipatros, le nouveau roi repousse les Perses, se lance à la conquête d'un immense empire. On va le voir conquérir l'Égypte, bien entendu, et puis passer par-dessus la Perse et s'en aller comme ça jusqu'à l'Indus, jusqu'au continent indien. Alors qu'Alexandre le Grand atteint les frontières de l'Inde, à Athènes, on se demande s'il est encore possible de résister à cette espèce de nouvel empereur et à son expansion inexorable. Démosthène continue de pousser à la lutte contre les prétentions hégémoniques de la Macédoine. Si l'on en croit l'orateur, Alexandre n'a d'autre visée que l'asservissement d'Athènes. Et on voit souvent aujourd'hui en Démosthène l'homme qui a donné sa vie pour la paix, pour la liberté, celui qui a préféré se suicider plutôt que de tomber entre des mains macédoniennes. Or, si vous regardez les choses d'un peu plus près, vous allez voir que la réalité est nettement plus complexe. On peut même se demander si Démosthène a été vraiment le défenseur irréprochable de la paix. Pendant l'absence d'Alexandre le Grand, un événement imprévu place le grand orateur face à ses propres contradictions. Nous sommes en décembre 325, on annonce le retour donc du grand roi Alexandre à Babylone. La nouvelle de ce retour terrifie tous ceux qui avaient gouverné en son absence, notamment un compagnon d'enfance d'Alexandre qui s'appelle Harpale, à qui le roi avait confié la garde de ses réserves d'or. Or, Harpale, nommé trésorier du roi, a opéré pendant la longue absence d'Alexandre un certain nombre de malversations, de détournements. Il a dilapidé même une grande partie des trésors du régent. Et lorsqu'il apprend le retour du roi, il se dit que les représailles risquent d'être terribles. Et voilà pourquoi Harpal s'enfuit. Il quitte Babylone, emportant avec lui des navires, des milliers de mercenaires et surtout 700 talents d'or. Il rejoint Tarse sur la mer Méditerranée, d'où il embarque pour la Grèce. Quand je dis pour la Grèce, pour Athènes. Athènes, c'est évidemment la cité persécutée par les Macédoniens. Et bien bizarrement, c'est aux Athéniens qu'Harpal demande l'asile. Au printemps 324, il arrive donc avec ses navires, son armée, ses mercenaires. Il débarque au port célèbre du Pirée. Pour les Athéniens, c'est un événement assez inattendu et qui pose un cas de conscience. Est-ce qu'il faut accepter d'accueillir ce Macédonien poursuivi par Alexandre ? Dans la cité, inutile de vous dire qu'on se pose beaucoup de questions, on débat. Après tout, les Athéniens sont connus pour leur sens de la palabre. On s'interroge, Démosthène est catégorique. Il faut absolument refuser de faire entrer Harpal et les siens dans Athènes. Et ses concitoyens se rangent à son opinion. Harpal va de nouveau tenter sa chance quelques semaines plus tard, au mois de juin, et cette fois il a laissé derrière lui ses troupes, ses mercenaires, ses navires, tout ce qui lui donnait une attitude menaçante, trop guerrière si vous voulez, et c'est seul, en attitude très humble, de suppliant pour ne pas dire de martyr, qu'il se présente au Pirée. Il a en sa possession tout l'or qu'il a rapporté de Babylone. Les Athéniens, influencés par Démosthène, reviennent à ce moment-là sur leur position, et finalement, on autorise Harpal à entrer dans la ville. Les Macédoniens, apprenant qu'Harpal s'est réfugié dans Athènes, demandent immédiatement son extradition. Nouveau cas de conscience pour les citoyens athéniens. Est-ce que maintenant qu'on l'a accepté, il faut livrer Harpal ? Pour Démosthène, livrer à l'ennemi un demandeur d'asile serait honteux. Pour autant, protéger le trésorier qui a trahi Alexandre expose la ville, expose la République à de graves périls. Le roi de Macédoine risquerait de voir ça comme une provocation et Démosthène va proposer une solution. Le plus sûr pour Athènes, dit-il, ce serait d'emprisonner Harpal et de mettre tout son trésor sous séquestre à l'Acropole. Ça permettra de gagner du temps. Démosthène met donc en place une commission dont il fait partie forcément, commission chargée de mettre Harpal derrière les barreaux, de saisir ses richesses, de mettre les richesses en question à l'abri, donc le trésor est monté, hissé sur l'Acropole, entreposé dans une salle tout au fond du Parthénon, qui s'appelle l'Opisthodome, cette pièce interdite au public où est traditionnellement gardé le trésor de la cité. Or, à peine quelques jours plus tard, le lendemain ou le surlendemain, Harpal disparaît. Il s'évade de sa prison. On vérifie que le trésor déposé dans le Parthénon est toujours présent. Or, la moitié des richesses n'est plus là. Elles se sont envolées, ces richesses. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Évidemment, très vite, les soupçons vont peser sur Démosthène. De la bande originale du péplum multinational d'Oliver Stone sur Europe 1, le film Alexandre qui raconte la vie d'Alexandre le Grand. Et cet après-midi, Franck Ferrand a décidé de vous emmener au cœur de la vie de Démosthène. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de la vie de Démosthène sur Europe 1, ce grand orateur de l'Antiquité grecque. Alors on dit souvent que Démosthène était bègue et qu'il a réussi à surmonter son bégaiement. Est-ce que c'est vrai, Franck ? Oui, alors ça, nous verrons ça avec notre invité tout à l'heure, mais il semblerait que ça tienne beaucoup de la légende. C'est Plutarque, vous savez, qu'il a beaucoup fait pour la légende des cailloux de Démosthène. Ce qui est probable, c'est que l'histoire a été quand même inventée a posteriori. Mais ce qui est sûr, c'est que Démosthène était un immense orateur. Sa maîtrise de l'art oratoire va même être très utile pour lui, pour essayer de le sauver dans la fameuse affaire Harpale. Harpale est donc parvenu à s'évader, il a quitté Athènes, il a rejoint la Crète. La moitié du trésor qu'il avait apporté avec lui s'est évaporée. Rapidement, la nouvelle se répand dans la cité grecque et provoque un certain émoi parmi les citoyens. Comment rendre compte de cette mystérieuse disparition? Où sont passés les 350 talents manquants sur le total de 700 talents apportés par Harpale? Qui, quand, comment est-ce qu'on a dérobé cet argent? L'institution juridique suprême d'Athènes, ce qu'on appelle l'aréopage, va être chargé d'enquêter et très vite, l'attention du tribunal se porte sur un certain nombre d'hommes qui ont été en contact avec Harpale, parmi eux Philoclès, l'homme qui a autorisé le débarquement d'Harpale et de ses hommes au Pirée, mais aussi Démade, qui est alors avec Démosthène un des orateurs les plus brillants de la cité et qui a échangé avec Harpale, enfin bien sûr Démosthène lui-même. Le grand orateur, au moment de l'enquête, est plutôt confiant. Il ne craint pas tellement l'aréopage. Il faut vous dire que ce conseil qui siège la nuit sur la colline de l'Arès et où aucun artifice oratoire n'est permis pour émouvoir ou attendrir les juges, ce conseil a tout de même une certaine sympathie pour l'orateur. C'est devant l'aréopage que Démosthène avait dénoncé la nomination d'Échine comme ambassadeur chargé de négocier la paix auprès de Philippe de Macédoine. Ça nous ramène quelques années en arrière. Mais enfin, tout ça a tissé des liens avec les juges, bien entendu. Et puis, grâce à son fameux discours sur la couronne, c'est le nom du discours, Démosthène est parvenu à faire condamner et faire exiler Échine. Donc, il n'a pas tellement peur de l'enquête qui est menée. Il va même quitter Athènes en septembre pour se rendre à Olympie. Et oui, c'est l'époque des Jeux Olympiques. L'affaire ne peut cependant en aucun cas être étouffée. Et à la fin du mois de décembre de cette année 324, après 6 longs mois d'une enquête qui a été menée avec beaucoup de rigueur, l'aréopage rend son verdict. Une liste de dizaines de noms est publiée et le premier nom sur la liste, c'est celui de Démosthène. Démosthène, accusé de s'être fait verser par Harpale quelques 20 talents, une somme colossale. D'autres hommes sont mis en cause, parmi lesquels notamment Démade, qui aurait détourné 6000 statères d'or. L'arrêt royal est renvoyé vers le tribunal populaire de l'Hélier, composé de 1501 juges, qui vont devoir condamner définitivement ou accuser les accusés, ce sera selon. Dès janvier 323, les accusés comparaissent devant ces fameux juges. Ils sont face à 10 grands orateurs qui soutiennent contre l'acte d'accusation. Le premier des rhéteurs, Hypéride, est un ancien allié de Démosthène. Il l'avait soutenu dans son combat contre la Macédoine, seulement Hypéride, qui est assez indigné contre ce qu'on suppose, hein, contre cette corruption dont on taxe Démosthène, Hypéride va prononcer un violent discours contre celui qui autrefois était son ami. « Notre amitié, c'est toi-même qui l'a brisée », clame-t-il, « quand tu as accepté de l'or contre les intérêts de la patrie ». Il y a un autre accusateur, le rhéteur corinthien Dinarque, qui lui non plus n'y va pas de main morte contre Démosthène avec un réquisitoire sans concession. Retrouvez la colère de vos ancêtres à l'encontre de celui qui a été convaincu en pleine lumière de vol et de trahison, celui qui n'a pas résisté aux richesses introduites dans la cité, qui l'a précipité, cette cité, dans les pires malheurs et qui est le fléau de la Grèce. Condamnez-le à mort, jetez son corps au-delà des frontières et permettez ainsi à la cité de retrouver la fortune. Bien plus tard, près de 4 siècles après l'événement, Plutarque aura tendance à grossir ce trait supposé de caractère du grand orateur en décrivant Démosthène comme un homme avide d'argent, facilement corrompu, notamment à travers une anecdote que Plutarque d'ailleurs a certainement inventée. Je vous la raconte quand même et je vous lis le texte du grand historien. Comme on faisait l'inventaire de ses richesses, voyant que Démosthène regardait avec désir une coupe à la mode barbare et en examinait avec soin la ciselure et la forme, Harpale lui dit de la soupeser et d'évaluer son poids en or. Or, Démosthène, surpris de sa lourdeur, demanda sa valeur. « Pour toi, dit Harpale, elle vaudra 20 talents. » Et la nuit venue, il lui envoya la coupe avec 20 talents. Démosthène ne résista pas et, vaincu par le cadeau, comme s'il avait accueilli une garnison, passa du côté d'Harpale. Le jour suivant, il s'enveloppa bien soigneusement le cou de l'ainage et quand on le pressa de prendre la parole, il refusa en faisant signe qu'il avait la voix coupée. Les gens d'esprit disaient en s'esclaffant que l'orateur avait été pris dans la nuit, non d'une angine, mais d'une argentine. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Antique. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi en moins 320 avant Jésus-Christ. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le parcours politique de Démosthène. Démosthène qui est accusé et un procès s'annonce. Alors, il faut bien comprendre qu'au moment du procès, l'orateur Démosthène a derrière lui le soutien d'une grande partie du peuple athénien. Il est très apprécié dans la cité. Il y a beaucoup de citoyens qui lui font une confiance aveugle puisqu'il est celui qui les a constamment réveillés contre le danger macédonien. Démosthène tient une ligne de défense assez classique. Il affirme n'avoir fait qu'emprunter la somme incriminée à titre provisoire et pour les intérêts de la cité, dit-il. Autrement dit, il n'aurait pas du tout volé cet argent, il l'aurait simplement prélevé momentanément pour les besoins d'Athènes. Mais voyons, cette défense ne peut rien contre le verdict du tribunal populaire. Sans aucun recours possible, les 1501 jurés, 1501 pour faire un nombre impair et qu'il n'y ait pas d'égalité dans les scrutins, bien entendu, hein, les 1501 jurés de l'ailier condamne Démosthène à une amende de 50 talents, c'est-à-dire le double de ce qu'il est accusé d'avoir volé, une somme absolument faramineuse. Il est bien sûr dans l'incapacité de payer, donc jeté en prison et presque immédiatement, tout comme Harpale l'avait fait près de 6 mois plus tôt, certainement grâce à la compassion des geôliers ou au soutien d'amis, toujours est-il que Démosthène va s'évader. Il fuit maintenant Athènes. On le voit gagner Mégare, puis Égine, puis Trézène. Seulement voilà, quelques mois plus tard, à l'été 323, Alexandre le Grand rend à Babylone son dernier souffle. Et à Athènes, c'est une nouvelle évidemment qui choque beaucoup, qui provoque beaucoup de troubles. En l'absence de Démosthène, une atmosphère d'effervescence mêlée à pas mal d'inquiétudes s'empare de la cité. Beaucoup d'Athéniens poussent à la révolte contre la Macédoine. Puisque les Macédoniens n'ont plus de chef, il faut en profiter, c'est une occasion propice, un instant décisif. C'est le moment, la dernière chance pour les Athéniens d'espérer restaurer un semblant d'indépendance. On lance donc l'offensive. C'est la guerre lamiaque. Les Athéniens, emmenant dans leur révolte un certain nombre d'autres cités grecques, vont se soulever, marcher vers les troupes macédoniennes d'Antipatros, qui a succédé donc à Alexandre. C'est une idée insensée, hein, disons-le. Il n'y avait en fait aucun espoir et la défaite des Athéniens est rapide. La coalition menée par eux est écrasée par les troupes macédoniennes à Cranon dès le mois d'août 322 et on peut dire qu'en quelques mois seulement, tout est fini. Athènes doit capituler, accepter les exigences de l'ennemi. Et les exigences en question sont drastiques. Elles sont même d'une violence extrême pour la cité grecque. Il est décidé qu'une garnison macédonienne sera établie à Munichi, qui est un des 3 ports d'Athènes. Les Macédoniens s'emparent des vaisseaux athéniens et surtout, Antipatros impose à Athènes une constitution censitaire. Censitaire, ça veut dire que seules les plus grandes fortunes d'Athènes auront désormais voix au chapitre. Disons-le clairement, c'est la fin de la célèbre de l'ancienne citoyenneté athénienne, c'est la fin du régime démocratique. Les Macédoniens, enfin, exigent que Démosthène, Hypéride et leurs partisans soient condamnés à mort. Alors là, c'est le début de la chasse aux orateurs anti-macédoniens. Évidemment, les Macédoniens n'avaient pas envie de se retrouver de nouveau confrontés à Démosthène et à ses partisans. Alors, eux vont essayer de s'échapper, bien entendu. Leur problème, c'est de savoir où aller. La domination macédonienne est quasiment totale dans le Péloponnèse. On ne peut pas échapper à la puissance nouvelle du successeur d'Alexandre. Il y a un certain nombre de fuyards, dont Hypéride, qui se réfugient à Égine. Seulement, presque immédiatement, ils sont faits prisonniers. On les conduit à Cléonaï, la cité dans laquelle Antipatros est installé, et là, ils sont immédiatement mis à mort. On connaît le potentiel d'affabulation de Plutarque, n'est-ce pas ? Est-ce que l'anecdote est vraie lorsqu'il raconte qu'Hypéride s'est vu arracher la langue ? En tout cas, ce serait un symbole fort de la puissance de la parole que l'on reconnaît aux anciens orateurs athéniens. Et Démosthène, me direz-vous, que devient-il ? Où est-il caché ? Le grand orateur s'est réfugié à Calori, dans le sanctuaire de Poséidon. Il sait que la mort l'attend, que son exécution est prochaine, alors il décide de prendre les devants. Il a toujours sur lui une petite fiole de poison, vous savez, une petite fiole de ciguë. Et lorsqu'un des sbires d'Antipatros finit par retrouver sa trace et le rejoint dans le sanctuaire, eh bien, Démosthène se suicide. Sa mort fut un peu comme sa carrière rhétorique, théâtralisée à un tel point qu'il accédait définitivement pour la postérité au rang de héros d'une tragédie dont le scénario était historique et non plus rattaché au mythe, nous dit Patrice Brun. Il mourut vers la fin du mois d'octobre 322. Tout était allé très vite. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a même pas vu venir le retournement de situation qui faisait du monde entier un lieu hostile pour lui. Démosthène, une fois mort, et avec lui les principaux résistants à la Macédoine ayant disparu, on peut dire que la vie à Athènes n'est plus du tout la même. La République d'Athènes, la cité, longtemps indépendante et si longtemps rayonnante d'Athènes, voit désormais s'évanouir tous les espoirs de grandeur qu'elle avait pu encore former. On peut dire en cette année 322 avant notre ère, qu'une page de l'histoire d'Athènes, qu'une page de l'histoire de la Grèce, qu'une page de l'histoire de l'humanité est tournée. Bonjour Patrice Brun, nous venons de découvrir la vie et la fin de Démosthène. Avec vous, nous allons revenir sur un certain nombre de ses idées. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Antiquité grecque avec un personnage, Démosthène, et nous allons plus loin, Franck Ferrand, avec votre invité cet après-midi. Vous recevez Patrice Brun, professeur d'histoire grecque à l'Université Bordeaux-Montaigne. Est-ce qu'il y a encore, Patrice Brun, un doute sur la corruption de Démosthène dans cette affaire ? Est-ce qu'il est, oui ou non, l'homme qui a trahi d'une certaine manière ? Alors, il n'y a guère de doute sur ce que nous appelons la corruption, mais par contre, on ne peut pas parler de trahison. C'est que, tout simplement, la notion de corruption, telle que nous l'entendons maintenant, ne correspond pas du tout à la manière dont les anciens Grecs voyaient ce que nous appelons la corruption. La corruption, pour nous, il y a deux types de corruption, corruption active et corruption passive. La corruption passive étant celui qui reçoit de l'argent. Les Grecs ne condamnaient vraiment que la corruption passive. La corruption active étant au contraire considérée comme, je dirais, quelque chose d'assez intelligent qui permet de faire avancer ses idées et la politique que l'on défend. La preuve d'une certaine habileté, tout simplement. Exactement, c'est de l'habileté. Alors le tribunal, néanmoins, l'aréopage, comme on l'appelle, a tranché. D'après vous, il avait raison ? Je crois qu'il avait raison. Pour autant qu'on puisse le dire à près de 2,5 millénaires de distance, je pense qu'il avait raison. Démosthène a récupéré pour lui une partie de l'argent que le trésorier d'Alexandre avait amené. Pour autant, est-il totalement corrompu et a-t-il tout gardé ? Là, on ne le saura jamais. Qu'il en ait gardé une partie pour lui, oui. Mais il ne faut jamais oublier qu'à Athènes, dans la démocratie athénienne, les orateurs, ceux qui montent à la tribune pour exhorter le peuple à aller dans le sens qu'il souhaite, ne sont jamais payés. Il n'y a pas de salaire. Par principe même, c'est la citoyenneté qui s'exprime. Voilà, c'est le devoir du citoyen. On fait son devoir et les orateurs, les hommes politiques, dirions-nous maintenant, ne sont pas payés. Et donc, il faut qu'ils trouvent les moyens de vivre et c'est aussi un moyen pour eux. Tout ce que nous appelons maintenant la corruption, lorsque un État étranger vient leur demander de faire avancer les idées de cet État étranger, eh bien, ils parlent et ils sont rémunérés pour cela. Ils parlent, ce terme est essentiel, puisque il semblerait que l'essentiel du pouvoir de Démosthène était dans le verbe. Il était un très grand orateur. On peut le dire, ça. Ah, on doit le dire. On doit le dire. De tous les contemporains de Démosthène disent qu'il avait une voix extrêmement puissante. Et il faut imaginer ce que peut représenter le poids d'une parole importante. Parce que les orateurs n'ont pas de micro, comme nous, là, aujourd'hui. Ils s'adressent en plein air. Ils bénéficient souvent d'architectures qui sont particulièrement propices, quand même, hein, qui sont bien sonorisées. Pas à Athènes. C'est en plein air. Mm-hmm. Du haut d'une tribune qui est taillée dans le roc. Et quand on imagine qu'il faut s'exprimer en plein air à plusieurs milliers de citoyens qui ne sont pas d'une sagesse toute philosophique, bien, il faut avoir une voix. Il y a beaucoup de petites conversations privées. Et bien entendu, et puis voire même des lazis qui fusent de divers rangs de l'Assemblée. Non, il faut avoir une voix puissante. Mais la force de l'orateur, c'est d'abord la puissance de sa voix, mais c'est aussi la puissance de son argumentation. Tout ce qui est dans le terme de logos en grec, c'est à la fois la capacité à bien s'exprimer, mais aussi à faire avancer habilement ses idées. Mais tout ça quand même est un peu une école de cynisme, disons les choses. C'est-à-dire que la très grande aptitude de Démosthène à convaincre ses concitoyens a été utilisée dans deux sens complètement opposés. Ce qu'on peut reprocher à Démosthène, c'est de s'être laissé acheter alors qu'il était précisément celui qui, longtemps, avait dénoncé ceux qui vivaient à la solde de l'ennemi. Ah ben c'est toujours le problème de certains hommes politiques. Ça nous rappelle des sujets très récent. Ah, mais vous savez, si Démosthène est un personnage captivant, c'est parce qu'il nous parle encore à nos démocraties. Il parle encore à nos démocraties. Et il interroge beaucoup de choses sur quelle est la place du grand homme ou de l'homme important dans une démocratie qui se veut égalitaire. La place, évidemment, très très très importante actuellement de la corruption et de l'argent qui circule. Je préfère parler d'argent qui circule plutôt que de corruption. Mais effectivement, je dirais, lorsqu'on a des mots très vifs, très très durs vis-à-vis de ses opposants politiques, il ne faut évidemment pas s'étonner que ces derniers, lorsqu'ils en ont l'occasion, bien, prennent leur revanche. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec l'épaisseur du temps, ce qui est resté de Démosthène, c'est d'abord et avant tout un discours d'Athénien idéal, d'une certaine manière. Dans un contexte, nous y viendrons d'ailleurs tout à l'heure, dans un contexte qui est particulièrement délicat pour Athènes, qui est même mortel et fatal. Mais était-il véritablement l'incarnation de ces idées d'une citoyenneté athénienne parfaite? Je ne crois pas. Parfaite, certainement pas. En tout cas, les contemporains ne le voyaient pas comme ça. Mais pendant quelques années, il a été véritablement, d'une certaine manière, l'illustration de ce qu'était Athènes. Et de la place d'Athènes dans le concert des cités grecques, oui, de l'environnement. Oui. Il a été pendant quelques années, on va dire pendant 5-6 ans, il a été vraiment celui qui symbolisait la cité d'Athènes. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, citoyen idéal, oui, lui, il le dit. Mais ses contemporains ne le disent pas et on a un certain nombre de textes. Mais d'où est venue alors cette idée, ce mythe? D'une certaine manière, c'est un mythe. Alors c'est un mythe, une légende peut-être, oui, un mythe si l'on veut, qui a été en grande partie déclenché par son neveu, qui a souhaité avoir une place politique importante et qui a utilisé l'image de son oncle. Le neveu en question, c'est Démocharès. Absolument, Démocharès. Mmh. Voilà. Et Démocharès, qui, 40 ans à peu près après la mort de Démosthène, qui devient puissant à Athènes et qui cherche, pour se valoriser lui-même, valoriser l'image de son oncle. Et c'est vraiment à partir, on va dire, des années 280 avant notre ère, que le mythe de Démosthène est en train de se mettre en place. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un grand voyage dans l'histoire que vous nous proposez cet après-midi, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'Antiquité grecque. Avec votre invité, nous essayons d'en savoir plus sur cet homme politique qui était Démosthène et sur le contexte politique de l'époque. Nous allons plus loin avec Patrice Brun. Il est professeur d'histoire grecque à l'Université Bordeaux-Montaigne. Oui, si vous êtes d'accord, Patrice Brun, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un peu sur le personnage de Démosthène. Est-ce qu'il est possible, plus de 2300 ans après, de savoir exactement qui il était? Avons-nous une idée de l'homme, de sa vie, des étapes qui ont été celles de son parcours personnel et politique? Alors, on a quand même quelques points que nous pouvons considérer comme assurés. Tout n'est évidemment pas sûr parce que nous n'avons pas de, de, de, de drapeau au jour le jour de sa vie. Mais non, bien sûr. Mais on sait grâce à lui, parce qu'il a beaucoup parlé de lui, hein. et on sait que son père est mort alors qu'il était tout jeune, il avait 7 ans, et il a dû se battre à sa majorité pour récupérer le patrimoine que ses tuteurs avaient dilapidé. Et grâce à ces discours que nous avons conservés, nous savons de quel milieu il était, un milieu riche. Même si ses tuteurs ont bien ponctionné le patrimoine familial, il a vécu une enfance quand même riche. Indiscutablement, je dirais, les procès contre ses tuteurs ont déclenché chez lui, je dirais, une appétence. Voilà, un goût de la polémique, enfin pas de la polémique, oui, mais de la discussion en tout cas. Oui, la polémique, parce que les mots qu'il utilise sont quand même extrêmement forts contre ses C'est là qu'il a fait ses armes d'orateur, en fait. C'est là qu'il a fait ses armes d'orateur, et c'est la raison pour laquelle on peut dire que toutes les petites anecdotes qui nous montrent comme bègue, avec beaucoup de difficultés. C'est vrai l'histoire des cailloux, là Bon, on ne saura jamais, bien entendu, mais c'est quand même assez peu probable, parce que quelqu'un qui a 20 ans est capable de parler devant plusieurs centaines de juges et de parler bien, puisque c'est lui qui s'exprime. Je pense quand même qu'il ne devait pas être bègue comme... Oui, on peut imaginer qu'il maîtrisait assez bien la parole et que son éloquence s'appuyait sur des facilités. Rien à voir avec le discours d'un roi, par exemple. Non, voilà, j'imagine. Il avait évidemment des qualités. Par contre, le discours d'un roi, vous faites allusion au roi George VI, le père de l'actuelle souveraine, qui était bègue, lui, complètement. Complètement, et qui a beaucoup travaillé. Mais disons-le tout net, il n'y avait pas beaucoup de... Sur l'agora d'Athènes, il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes. Hein. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter à ces petites anecdotes. Alors, Démosthène est entré en politique, parce que si le système de la démocratie athénienne amenait tous les citoyens à participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la cité, certains s'impliquaient davantage que d'autres et devenaient des hommes politiques, un peu comme aujourd'hui. Lui, il entre véritablement en politique. À la faveur de quels événements ? Oh ben vous savez, il n'a pas manqué d'événements à Athènes pour déclencher chez lui un certain nombre de réflexes. Du futur homme politique. En fait, on peut considérer que c'est au moment où il approche des 30 ans qu'il devient véritablement un homme politique, c'est-à-dire un homme politique à Athènes, c'est quelqu'un qui se lève et qui décide d'aller devant l'Assemblée du peuple pour parler. C'est ça un homme politique. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de coterie, on a des amis bien entendu, mais rien n'est fixé comme dans nos démocraties actuelles. Et c'est à la faveur d'une défaite militaire d'Athènes, celle qu'on appelle la guerre des alliés, qu'on le voit à ce moment-là prendre, je dirais, la parole régulièrement et faire des discours dont il devient l'anti-macédonien attitré, en fait. Oui, alors là, il a mis du temps, hein, beaucoup plus de temps qu'il ne le dit lui-même. C'est pas un engagement foncier et viscéral. Disons qu'il a voulu, à un moment de sa vie, dire qu'il avait toujours été anti-macédonien. Mais les documents que nous avons de lui et qui émanent de sa propre parole, nous indique que s'il en a pris conscience, c'est au moins, on va dire, vraiment quelques années après son entrée en politique. Mais quand il est devenu anti-macédonien, on va donner une date, c'est 348 avant notre ère, alors là, absolument, il est resté anti-macédonien ensuite. Donc, on peut dire de Démosthène que son parcours est celui d'une évolution permanente jusqu'à la... trahison finale, en quelque sorte. Les gens lui en ont voulu à l'époque de son attitude. Je pense qu'il a un certain nombre, parce qu'il a été, comme il n'a pas pu montrer, je dirais, que cet argent avait été utilisé pour l'État, pour la cité. Il a été condamné à une très forte amende, et comme il n'a pas pu la payer, il a été exilé. Et là, je pense qu'effectivement, un certain nombre d'Athéniens ont pensé que il n'avait pas, comment dire, joué le rôle qu'on attendait de lui, et qu'il avait probablement mis un peu trop de côté, un peu trop de ce que les normes du temps pouvaient permettre de trouver acceptable. Quel a été son rôle effectif dans la défaite d'Athènes ? Oh, il ne faut pas personnaliser la défaite d'Athènes. Athènes est une cité qui a beaucoup de difficultés au IVe siècle avant notre ère, parce qu'il y a autour d'elle, contrairement à l'époque de Périclès, beaucoup de puissances qui cherchent à rogner son pouvoir. Et notamment, apparaît vers le milieu du IVe siècle, la figure puissante de Philippe II de Macédoine. Et en fait, on peut dire que c'est plus Philippe II de Macédoine qui a gagné que les Athéniens qui ont perdu. Oui. Mais il ne faut pas personnaliser la défaite d'Athènes. En fait, c'est un... Ouais, c'est tentant quand même, vous avouez, surtout lorsqu'on bénéficie d'un personnage comme celui-là. On aimerait pouvoir... identifier la défaite au personnage lui-même. Vous pensez que ce serait excessif ? Ça serait excessif. Mais c'est pas ce que les gens ont fait à l'époque ? Est-ce que ce ne sont pas ce que ses contemporains ont essayé de faire ? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours plus facile de personnaliser une défaite que de la collectiviser. Mais oui. Alors, on peut dire tout autant. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont dit à un moment, notamment du côté des historiens allemands de la fin du XIXe siècle, que c'était la défaite de la démocratie face aux monarchies militaires. Évidemment, là, on voyait assez vite le type d'anachronisme dans lequel on pouvait tomber. Oui, bien sûr, mais on essaie toujours de faire des projections, forcément. À ce propos, il a vécu, notre Démosthène, à la même époque qu'Aristote et que Platon. Il les a connus, il les a fréquentés. Alors, il est d'une génération après Platon. Oui, c'est plutôt la génération d'Aristote, en l'occurrence. Ils sont exactement contemporains. Oui, oui. Se sont-ils rencontrés ? C'est possible, parce qu'Athènes n'est pas une grande cité. Mais Aristote n'apparaît jamais dans le discours de Démosthène. Et on le comprend, Aristote n'est pas un citoyen athénien. Et Démosthène n'apparaît pas dans les œuvres d'Aristote. Donc vraiment, on a un petit peu l'impression que ces deux personnages se sont certainement croisés dans les rues d'Athènes, parce qu'encore une fois, Athènes est une petite ville à notre échelle, mais leurs œuvres n'ont pas interféré l'une sur l'autre. Oui, en fait, on pourrait même dire que, d'une certaine manière, il a ignoré la vie intellectuelle de son temps. Il s'est plus intéressé à la politique qu'à la philosophie. Ah, tout à fait. D'ailleurs, pareil pour, je dirais, tous les philosophes qu'il y a à Athènes à ce moment-là, on ne voit pas Démosthène, je dirais, les fréquenter globalement. Hein. Et les philosophes à l'époque, notamment l'école de Platon, disaient qu'il fallait absolument s'éloigner de l'agora. Il fallait s'éloigner de l'agora et que l'agora ne pouvait poser que des problèmes. Et par conséquent, les philosophes, notamment l'école dite de l'Académie, l'école de Platon, vit dans ce qu'on a fini par appeler une tour d'ivoire, c'est-à-dire totalement déconnectée de la vie politique du temps. J'aimerais qu'on revienne sur la figure d'Alexandre le Grand et la perception qu'on en a du côté d'Athènes dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de l'Antiquité grecque cet après-midi sur Europe 1 avec cet orateur que vous nous avez présenté depuis 14h, Franck Ferrand. Il s'agit de Démosthène et nous allons maintenant nous intéresser au contexte de l'époque avec bien sûr Alexandre le Grand. Nous parlons avec Patrice Brun qui est professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne. La grande question de l'époque de Démosthène, c'est le rôle et la place d'une cité comme Athènes face à l'hégémonie macédonienne. On s'est longtemps battu contre Philippe II, là on peut dire que Démosthène joue un rôle de fer de lance à ce moment-là. Et puis, à la mort de Philippe, c'est son fils qui prend les rênes et la puissance macédonienne paraît absolument impossible à endiguer. Ah, tout à fait. Alexandre est une sorte de démon pour les Grecs. Si on veut utiliser un anachronisme, on dirait que c'est un bulldozer. C'est un bulldozer, voilà. Moi, je ne savais pas quelle image employer, mais je crois que vous allez encore plus loin que moi, finalement. Oui, mais en fait, si vous voulez, dès qu'il arrive sur le trône en 336, Alexandre veille à conserver le pouvoir que son père avait. Et il y a une cité qui s'appelle Thèbes qui essaie de se révolter, il ne fait ni une ni deux, il la rase, il tue les hommes, et les femmes et les enfants sont mis en esclavage. Oui. Donc ça calme les velléités de révolte. Ça fait un exemple, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, que lorsqu'il est parti dans son expédition en Orient, la Grèce ne s'est pratiquement jamais soulevée. Elle n'a pas bougé. Mais Athènes aurait pu profiter de l'éloignement d'Alexandre et de l'orientation de ses conquêtes vers l'Orient et vers le sud de la Méditerranée. Il y a sans doute eu un certain, je dirais, des moments où ils auraient pu le faire, notamment au moment où Thèbes se soulève en 335, on ne bouge pas. On bouge pas. Au moment où Sparte se soulève en 331, on ne bouge pas non plus. Mais pour quelle raison, d'après vous, vous qui connaissez Athènes et les Athéniens ? Parce que je crois que la défaite de 338 avait été très rudement ressentie. Et finalement, les Athéniens ne s'en étaient pas tirés si mal que ça. C'est-à-dire que Philippe de Macédoine avait, le père d'Alexandre, avait finalement accepté que Athènes gardât l'ensemble de ses possessions à l'extérieur d'Athènes même. Et finalement, c'était une paix qui, ma foi, n'était pas humiliante. Et quand on sait qu'en plus, dans cette période-là, c'est une époque de grand développement économique, dirions-nous, pour la cité d'Athènes, finalement, un certain nombre d'Athéniens ont considéré qu'on avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner à une révolte contre les Macédoniens. Oui, donc tout le monde se tient tranquille, d'une certaine manière. Tout le monde se tient tranquille. Et Démosthène, dans cette affaire, à ce moment-là. Ah, il se tient particulièrement tranquille. Eh oui. Particulièrement tranquille. Et c'est là où, son habit d'anti-macédonien a tendance, à disparaître. il ne fait saisir aux Athéniens aucune des occasions que j'ai citées pour se soulever contre les Macédoniens. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, on a essayé de dire que Démosthène était vraiment un traître, tout simplement, parce qu'il n'avait pas saisi ces occasions de se soulever contre les Macédoniens. Mais là, on peut dire que c'est la mort d'Athènes, d'une certaine manière. Alors, quand je dis la mort d'Athènes, après tout, Athènes se survivra, et un jour même, au moment des... avec l'Empire romain, on dira que la Grèce vaincue est vainqueur de son fier vainqueur. Certes, d'ailleurs, la Grèce continue de vivre un peu à travers nous aujourd'hui, la Grèce antique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la fin de la grande Grèce puissante et rayonnante et lumineuse. C'est la fin de la grande Athènes puissante. Voilà, Athènes, pardon, je dis Grèce. Vous avez raison, pardon. Oui, c'est-à-dire que c'est le moment où on prend conscience qu'Athènes ne peut plus dominer le monde. C'est ça, voilà, voilà. Voilà. Ça, c'est, il y aura encore. C'est la fin de l'ère classique pour Athènes. C'est la fin de l'ère classique. On le dit souvent que c'est à la mort d'Alexandre, mais enfin, on peut considérer quand même que, effectivement, puisqu'il y a une révolte athénienne à la mort d'Alexandre, et que la défaite finale. Alors là, c'est le glas. C'est le glas, puisqu'il y a une garnison macédonienne qui vient dans la cité, la démocratie est abolie. Là, effectivement, on a le sentiment d'une véritable rupture. D'une rupture. Mais Athènes a survécu, mais dans des conditions qui, effectivement, ne sont pas du tout celles qu'elle a pu connaître du temps, par exemple, de Périclès. Ce qui me frappe beaucoup lorsqu'on est à Athènes, en dehors des grands musées, évidemment, et de l'Acropole et de tout ce qu'on sait, c'est la présence de cette cité antique, la présence de ces grandes figures de l'Antiquité. Alors, Périclès, évidemment, à toutes les sauces, mais un homme comme Démosthène fait partie du quotidien des Grecs d'aujourd'hui. C'est quand même amusant de le souligner, Patrice Brun. Ah ben, les rues, quand on regarde le nom des rues, par exemple, c'est une... Incroyable. C'est une efflorescence des grands hommes de l'Antiquité. C'est ça. Des Phocion, Démosthène, Platon. Mais quand on parle aux Grecs d'aujourd'hui, pour eux, ce sont des figures qui sont familières. C'est peut-être un peu excessif, ça dépend de quel Grec on parle. Mais enfin, quand même, les Athéniens restent fidèles à leur grande époque qui est bimillénaire maintenant. Oui, il y a une forme toujours de filiation. C'est ça. Une forme de filiation, même si, disons que les dernières années ont montré que l'Antiquité ne suffisait pas à maintenir le prestige. L'étude biographique que vous consacrez à Démosthène chez Armand Collin est sous-titrée « Rhétorique, pouvoir et corruption ». Vous avez bien mis « rhétorique » en premier lieu. C'est d'abord un orateur qu'il faut retenir ? Est-ce que c'est d'abord un orateur ? Et que si j'ai mis ça un petit peu dans cette suite, c'est que d'abord un orateur, c'est grâce à la puissance de sa parole qu'il a acquis le pouvoir qu'on lui connaît, et c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup de pouvoir qu'il y a eu cette tentation. Qu'il y a eu la corruption. Il y a eu un certain nombre de tentations. Voilà. Et voilà. Donc, alors, je ne sais pas si ça nous permet de voir des exemples contemporains, mais il est certain que les démocraties posent toujours un petit peu les mêmes questions. Comme disait Toynbee, c'est la trilogie grecque, Koros, Hubris, Athée, satiété avec la rhétorique, démesure avec le pouvoir et désastre dans la corruption. C'est peut-être un peu simplifié comme trilogie, mais comme modèle, mais c'est assez vrai en l'occurrence. Disons que quand on fait un titre, et Arnold Toynbee faisait un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche un titre, forcément, on essaie d'aller un petit peu à l'essentiel et d'aller à un titre un peu choc. Merci beaucoup Patrice Brun. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne et votre ouvrage est paru chez Armand Collin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anissa. Nous nous retrouvons demain, lundi de Pâques, demain nouvelle rediffusion sur Europe 1. Pour une émission consacrée au Rostand, nous parlerons bien sûr de Cyrano de Bergerac. À demain.